Mosaic. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans l'émission Mosaïque. Au micro, Pacifique Chubahiro. Le Burundi vient de célébrer 27 ans après le oui au référendum de la Charte de l'Unité Nationale. C'était le 5 février 1991. Deux ans après ce référendum, en 1993, le Burundi est tombé dans une crise politico-ethnique après l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Une crise qui a révélé que l'unité en chantier n'était pas dans les cœurs de tous les Burundis. Vous l'avez entendu, le chef de l'État, dans son discours à la nation, rappelle que l'unité des Burundis a été empiétée par des crises à caractère politico-ethnique et qu'il est temps que cette unité soit une valeur à inculquer depuis la base de la société burundaise. Aujourd'hui, une nouvelle dynamique est enclenchée avec la création du Conseil national pour l'unité, la paix et la réconciliation, avec la mission principale d'accompagner le gouvernement dans ses efforts visant à renforcer l'unité nationale. Rappelons que la charte de l'unité nationale est visée par toutes les constitutions depuis son adoption. Aujourd'hui, que représente l'unité nationale dans la vie politique du pays? L'unité nationale est-elle une réalité au Burundi ou reste un slogan? Quel est le fondement du contenu de la charte de l'unité nationale et son implication sur la vie nationale? Quels sont les défis rencontrés en matière d'unité nationale? Que faire surtout pour que l'unité nationale soit un outil de prévention et de résolution des crises politiques? Pour en débattre, nous avons quatre invités dans ce studio. Honorable Festus Nanyungu représente ici dans ce débat le parti au pouvoir, le CNDD, FDD. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de nous avoir invités. Je souhaite également la bienvenue à Tassien Sibomana, membre de la coalition Amizero Yabarundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Je salue tous les auditeurs. Je dis également bienvenue à Pasteur Habimana pour le compte du parti FNL. Bonjour, merci pour l'invitation. Je crois qu'on va bien élucider la chose. Nous espérons. Nous souhaitons la bienvenue à Sylvestre Bikolindagala pour le compte du parti Sarwanya Frodebu. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Jérôme Nyonzima assure la réalisation de cette émission. Eric Ouimana est à la technique. À l'animation de Mosaïque d'aujourd'hui, Pacifique Chubahiro, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Sans tarder, je m'adresse à Festus Nanyungu. On se demande aujourd'hui qui représente l'unité nationale pour le CNDD-FDD. L'unité nationale, vous le disiez déjà, vous posez la question si c'est une réalité ou un slogan. Et au Burundi, aujourd'hui, c'est une réalité. Mais toute réalité, comme toute chose qui est là, c'est donc un arbre ou tout un être humain, etc. Tout ce qui vit, ça demande d'être entretenu. Ça veut dire que l'unité nationale existante, réelle, nous allons y arriver plus tard, et historiquement, comment ça s'est passé, les difficultés que nous avons rencontrées tout au long de l'histoire jusqu'à présent, et doit être entretenue de façon à toujours renforcer. Et référez-vous justement à ce que vous avez dit tout à l'heure au discours de son Excellence Monsieur le Président de la République à l'occasion justement de la célébration de l'unité nationale, les différents éléments qu'il a montrés, et nous les reviendrons plus tard. Sinon, c'est une réalité, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité, ce n'est pas un slogan, mais tel que imaginé à l'époque, dans les années 1990. Est-ce que vous étiez déjà dans la politique, vous n'étiez pas au Burundi? Comment vous appréhendez cette initiative du pouvoir à l'époque? En réalité, c'est-à-dire qu'il y a une initiative politique à cette période-là, étant donné le contexte politique qui prévalait à cette période-là, mais l'unité, ça n'a pas été créé à cette période-là. L'unité existait parmi les Burundais. C'était seulement pour dire où en sommes-nous avec donc l'unité nationale. Et pourquoi il fallait une charte? et la charte, et ça a été convenu pour que justement les gens puissent dire nous nous référons à quelque chose pour continuer à travailler ensemble. Mais sinon, l'unité des Burundais était là depuis la création de la nation burundaise, dans toutes ces vicissitudes, dans toutes ces difficultés que le Burundi a eues. De toute façon, l'unité est là. Mais il y a eu des problèmes, je disais, nous allons y aller étape par étape pour voir comment nous avons eu des problèmes. Il faut renforcer. Et vous avez entendu comment justement, j'y reviens, son excellence, monsieur le président, il est revenu en disant quels sont les piliers, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous continuons à renforcer l'unité nationale. Parce que sans unité nationale, vous n'avez pas la paix. Sans unité nationale, vous n'avez pas l'indépendance. Sans unité nationale,